l'existence des mecs qu'on nomme moi Ahmed. Aujourd'hui en France c'est entre deux stérètes. Bref, à 7 ans c'est le débarquement. Faut faire ses preuves en s'intégrant les rangs. Nous ont montré l'exemple et pourtant rien nous atteint, les cheveux dans le vent. La nostalgie m'en faillit quand je parle de mon pays. Nombreux sont les souvenirs qui me donnent envie de partir, repartir en quelque sorte, m'en sortir, revoir les miens et leurs sourires. C'est des moments, un village au visage merveilleux. J'espère fouler ta terre avant d'être vieux. Ouais, fouler ta terre avant d'être vieux. Ton sable et ta poussière ont connu mon premier cri, c'était hier. Mais aujourd'hui on pousse d'autres cris de rage ou de haine, une alerte dans la nuit. L'âme exilée, je survis trop loin de City Women. Mon pays déraciné, que serait ma vie? City Women, Yaouldi, Funahi, Abladi. Une famille s'exporte, emporte avec elle des souvenirs de toutes sortes, de façon à rester forte face aux soucis de tous les jours. Seul suffit l'amour pour guérir les blessures de la vie. C'est pour ça qu'on a fini ici aujourd'hui. Ouais. C'est des moments galiennes, je me souviens tes jeux sur tes plaines. Et imagination sans rengaine, chaque jour n'était pas le même, tu m'étonnes. À 5 ans, s'amuser c'était tout le temps, pas de problème. On vivait vraiment ce qu'elle est loin cette époque. À quand mon retour au Maroc? Ouais, à quand mon retour au Maroc? Tu sais, les enfants sont obligés de suivre les parents. On y repense, adolescent, et c'est là qu'on réalise que c'est important d'être en contact avec son pays natal. C'est clair, mon départ fut brutal. On ne peut plus faire marche arrière, et pourtant dans ce sens j'ai fait mille et une prières. C'est des moments tout vrai, Casa. C'est sur tes terres que je finirai ma vie, crois-moi. Famille. Pour vous, j'ai adoré vivre ma vie. Un peu loin de ces débuts, c'est sûr, on regrette aujourd'hui. Rassurez-vous, de vous, j'ai gardé le meilleur. Mille et un souvenirs qui font mon bonheur. Ouais, spéciale dédicace à vous, mes frères. Si des moments caliennes, je n'en ouvre pas. Tous ces lieux resteront gravés dans ma mémoire, tu sais ça. Y'a pas un endroit que j'oublierai, crois-moi. Même si le village est devenu une ville, rien n'y fera, mon gars. Ouais, rien n'y fera, tu sais ça. C'est des moments, peu importe où je suis, faut que je pense à toi et à ma famille. Là, il a, il n'y a que ça qui compte pour moi. On peut avoir toutes les richesses du monde, même le tableau de la Joconde, tout ça ne vaut pas un penny si tu vis pas près de ta famille. La ila, yabun se bladi. La ila, urini trakta bladi. La ila, yabun se bladi. Ga hayati, tu es sabed menkoum. لا إله يا حبيبتي وريني الطريق تا بلادي.